comment choisir entre tous nos vœux? L'un des contes les plus troublants et peut-être les plus vertigineux, c'est bien sûr le conte de la lampe d'Aladin, d'où sort un génie qui vient dire à celui qu'il a entre les mains, et nous sommes tous ces petits ou ces petites humains ou humaines qui en ont rêvé, qui vient nous dire « tu as le choix entre trois vœux que je vais pouvoir réaliser ». Dans cette expérience de la lampe d'Aladin, nous comprenons la différence profonde entre le vœu et le désir en général, ces termes que nous sommes si tentés de rapprocher. Quelle est la différence? C'est que le vœu, c'est le désir qui se donne un objet, qui se donne un but précis, qui n'est pas le désir en général avec cette finalité qui est celle de tout désir, bien sûr, qui est, comme le disait Freud au début de sa philosophie, le désir de la satisfaction, le désir du plaisir, bien sûr l'objet du plaisir. Mais si je dis au génie qui sort de la lampe, ce que je veux, c'est du plaisir, bah, le génie va me dire, mais comment veux-tu que je te le procure? Est-ce que ça va être par de la nourriture ou par de l'amour? Est-ce que ça va être par de la campagne ou par de la ville? Est-ce que tu veux ceci ou est-ce que tu veux cela? Et la question du vœu, c'est précisément l'obligation pour les humains d'avoir des objets du désir. Ces objets qui ne sont pas seulement des objets passagers sur lesquels se pose une force anonyme qui serait le désir, comme le même Freud justement le pensait au début de sa philosophie. Il théorisait la libido, une force vitale qui peut se poser sur n'importe quoi. Il disait que ces objets pouvaient être remplacés indéfiniment. Et par exemple, voilà, je perds un objet d'amour, ben j'en prends un autre et le deuil ou la séparation ne sont pas des catastrophes, ce qu'il a lui-même réfuté quand il a connu les pires des deuils. Mais justement, être obligé de choisir parmi les objets du désir. Si un génie bon ou méchant nous dit « voilà, tu as trois vœux », cela a quelque chose de vertigineux. Alors nous sommes tentés par les grands désirs universels, mais le bon génie va nous dire « non, non, non, il faut que tu me dises ceci ou cela et tu n'as pas d'autre choix ». Je rusais pour ma part avec ces rituels en voyant passer une étoile filante, par exemple, on te dit « faites un vœu ». Et moi, je disais, je fais un vœu qu'il y ait une autre étoile filante. Or, il n'y avait pas d'étoile filante aussitôt après, et donc je ne croyais plus aux étoiles filantes. Et pourtant, c'est rituel. Des vœux, quand il y a une étoile filante, quand il y a telle ou telle superstition, quand ce conte nous dit « voilà, choisis trois vœux et trois vœux seulement » ou quelque chose d'éclairant pour l'éthique des êtres humains. Oui, nous devons hiérarchiser entre nos désirs, nous devons faire des vœux, peut-être non seulement faire des vœux pour quelque chose, mais faire des vœux aussi pour quelqu'un. Peut-être que ce que nous aurions envie de dire au génie, ça n'est pas seulement de nous réaliser ceci ou cela, le plus beau des gâteaux au chocolat, car nous allons vers des plaisirs ponctuels, mais aussi de guérir un tel ou une telle de telle ou telle maladie, de résoudre telle ou telle crise, de penser à tel ou tel autre. Bien sûr, nous n'avons pas seulement trois vœux à faire, mais l'obligation presque rituelle, instruite par la littérature, par l'histoire, par les contes, l'obligation de penser les objets de nos vœux nous apprend à désirer.